Chapitre 7. Pauvre Balao. Depuis des heures, Coriolis, les vêtements déchirés, le visage ensanglanté par les épines et les ronces, écarte vainement des branches. Il ne retrouve plus la carrière de pierre-feu que surplombe le grand être bien connu de sa jeunesse. Il est perdu dans la forêt. Il est venu là, tout seul, ne voulant plus mêler personne à sa terrible histoire de famille, et ne sachant quelle dernière funeste surprise l'attend à l'étrange rendez-vous fixé par Balao. Et d'abord, qui l'eût accompagné? N'est-il point seul désormais sur la terre? Patrice, que l'on soigne à Clermont, n'a point voulu le recevoir, l'accusant de tous les crimes dans un délire où peut-être sombre sa raison. La petite Zoé, dont on a voulu faire une demoiselle pour Balao, au temps où il espérait, dans sa folie extraordinaire, pouvoir faire accorder un état civil au fils de la forêt de Bandang. La petite Zoé, frappée au cœur par l'amour criminel de Balao pour Madeleine, se meurt dans les bras de Gertrude. Toutes deux également ont fui sa demeure et ne le veulent plus connaître. Et sa fille? Où est sa fille? Est-il vrai que le monstre l'ait tuée plutôt que de se voir séparée d'elle? Et va-t-il se trouver en face du cadavre de son enfant? Balao, éperdu de remords, l'appelle-t-il pour pleurer sur une tombe? Pourquoi, dans le mot qu'il envoie, ne lui parle-t-il pas de Madeleine? Silence tragique, abominable incertitude. Madeleine, Balao! Depuis des heures, voilà les deux noms chéris que l'infortuné Coriolis jette à l'écho de la forêt, et l'écho seul lui répond. Plusieurs fois, il a cru reconnaître les sentiers qui mènent au grand être de pierre-feu, mais ses pas se sont mêlés, et peut-être n'a-t-il fait que tourner sur lui-même. Le soleil décline et perce de ses flèches obliques la haute futaie. Le crépuscule va venir. Balao! Madeleine! Balao, toi qui aimais tant ta petite maîtresse, est-il vrai que tu l'aies ravie comme une bête sauvage? Et que tu sois resté sourd à sa voix. Il crie dans le soir qui tombe. « Ma fille est morte! Ma fille est morte !» Alors, tombant à genoux et levant les mains au ciel dans un geste de pitié et de pardon, pour la première fois, il regrette son œuvre. Comme son regard, où il y avait tout le désespoir du monde, montait au zénith, il rencontra un épais cercle de corbeaux qui jacassait horriblement, ainsi que font les bêtes et les hommes après un grand festin. Ce cercle montait, puis descendait, et enfin disparut, comme s'il tombait dans la forêt, avec un accompagnement forcené de cris rauques et stridents, comme des rires et des hoquets d'oiseaux de proie repus. Le cœur de Coriolis se glaça. Et soudain ses yeux accrochèrent un voile blanc que retenait la griffe d'une jeune pousse. Il se releva en titubant, et il se pencha sur ce voile, ou plutôt sur ce lambeau blanc, comme le voile d'une jeune épousée. Il ne douta plus que ce fût là le voile de Madeleine. Il le reconnaissait. Sa terreur lui disait qu'il ne se trompait pas. Il l'arracha à la forêt de ses doigts fébriles et le porta à ses lèvres en sanglotant. Quelques pas plus loin, ce fut un morceau de satin de la robe qu'il trouva, et puis un petit soulier. C'était le petit soulier blanc de Madeleine. Il le baisa éperdument. Et il appela de toute la force de sa douleur. « Madeleine ! Madeleine ! Madeleine !» Non point comme on appelle une vivante, mais comme on appelle une morte qui vous est chère, pour qu'elle vous apparaisse. Car il y a des moments où la douleur humaine ne craint point les fantômes, et où elle évoque les ombres pour les presser sur son cœur. Des moments où la douleur ne tremble point sur le seuil du grand mystère, des moments où l'amour des vivants voudrait faire sortir les morts de la nuit, et où il s'étonne naïvement, quand il a appelé avec force, que les ombres ne viennent point le baiser sur la bouche. « Madeleine !» Seuls les cris des corbeaux lui répondirent, et c'est guidé par les cris des corbeaux qu'il continua de marcher à travers les branches. Quand il eut écarté les dernières lianes de ce coin de futaie épaisse, il y avait comme un incendie au ras de la terre et des troncs, et il lui parut qu'il débouchait au centre de la fournaise. il reconnut la carrière de Moabite. Plus de 1000 corbeaux étaient là, qui ne tournèrent même point la tête, très occupés qu'ils étaient à manger la triple charogne de 3 grands cadavres d'hommes, étendus sur l'herbe, les bras en croix. Et bien qu'ils eussent le front fracassé et beaucoup de chair mangée, Coriolis reconnut les 3 frères, qui, de si longues années, avaient été la terreur du pays. Leurs fusils gisaient près d'eux. Le plus fort des 3, Hubert, à la barbe rousse, avait encore son arme dans sa main crispée. Alentour, les fougères et les arbrisseaux étaient renversés et brisés et piétinés. La lutte qu'ils avaient subie, et dont les 3 frères étaient morts, avait fait comme un cirque, comme une piste rase. Et il avait dû y avoir là un combat terrible. Qui donc avait été assez fort pour vaincre les 3 frères, armés de leurs 3 fusils? Et quelle arme toute puissante avait couché ses grands corps sur la terre ensanglantée? Oh, c'est une arme de bois, tout simplement. Elle repose, elle aussi, sur l'herbe après avoir fait son ouvrage. C'est un beau jeune arbre qui pouvait compter sur de longues années de l'admirable vie de la forêt, et qui, bien solidement, et confiant en l'avenir, avait enfoncé ses racines dans le sol nourricier. Or, une main l'avait arraché de la terre comme s'il n'y avait pas été attaché, et c'était donc ce tronc de bouleau, dont la blancheur d'argent se maculait des taches brunâtres du sang, qu'il avait fait gicler des 3 têtes. C'était ce tronc de bouleau qui avait tué. Quel géant, quel héros avait combattu ici? Quelle main d'archange avait manié ce glaive de bois flamboyant? À une branche de cet arbre, Coriolis distingua encore un coin de ce voile blanc qui faisait battre son cœur dans sa poitrine comme un tambour, et aussi il vit, après avoir dérangé les corbeaux qui protestèrent et roulèrent autour de lui comme une troupe noire ivre, il vit encore un morceau de la robe blanche au doigt de l'un des albinos. Et il ne douta plus que son enfant n'eût été le butin convoité de cette bataille de sauvages. Sa pensée, plus rouge que la forêt crépusculaire en flammes, lui développa d'un coup toutes les phases d'un tournoi de mort et de sang. Les brutes hommes s'étaient dressés contre l'animal en lui voyant une si belle proie, et ils avaient voulu aussi la lui ravir. Ils étaient morts, et Balao avait transporté ailleurs l'objet sacré de cette lutte de Dieu. « Balao ! Balao !» Moabite soudain tomba dans la nuit noire, et Coriolis se heurta aux murailles vivantes de la clairière, qui referma sur lui ses bras de branches et ses mains de feuilles. Et il s'y laissa aller, au bout de son désespoir, comme en un berceau. Au matin, il se réveilla, et il crut rêver encore en voyant, penché sur lui, la figure triste et grave de Balao. Il voulut crier. Balao, le doigt sur la bouche, lui ordonna le silence. « Prends garde !» dit l'anthropopithèque, dont la voix semblait, pour arriver jusqu'à lui, traverser des larmes, tout un lac désespéré de pleurs. « Prends garde, tu vas la réveiller. »« Est-elle morte? Est-elle vivante? »« Elle dort, silence. »« Est-elle morte? Est-elle vivante? »« Elle dort, et il ne faut pas la réveiller. » Et le doigt sur la bouche, marchant devant lui, tournant de temps à autre la tête pour constater qu'il était suivi, Balao lui fit faire un très grand chemin à travers la forêt. Tout se taisait sur leur passage. Les oiseaux suspendaient leurs chants, et les feuillages cessaient de frémir de joie dans le vent du matin. Le doigt sur la bouche de Balao semblait commander le silence à la nature entière, pour qu'elle laissât reposer celle vers qui il marchait. Est-elle morte? Est-elle vivante? Reposait-elle pour l'éternité? Ils arrivèrent au grand être de pierre-feu. Balao montra à Coriolis l'étage supérieur des feuilles et le chemin qu'il fallait prendre. Ils montèrent dans l'arbre. Cet arbre était grand comme un petit bois qui eût entouré la demeure particulière de Balao. Et on arriva à la demeure particulière, à la hutte bâtie dans le style de la forêt de Bandang, et que Coriolis, qui se rappelait les huttes élevées par les anthropopithèques sur les mangliers des marécages, ne s'étonna point du tout de trouver là. Seulement, à cette hutte, il y avait une porte, comme chez les hommes. Il poussa la porte, cependant que Balao, de plus en plus triste et de plus en plus poli, comme un quelconque homme qui prie un étranger de franchir le seuil de sa demeure, se tenait modestement derrière lui. Coriolis poussa la porte et se trouva devant Madeleine, étendue sur le lit de feuilles sèches et recouverte décemment d'une couverture qu'il se rappela lui avoir dérobée jadis dans son cabriolet. Madeleine était pâle comme une morte, mais elle n'était pas morte. Au bruit que fit son père en entrant, elle ouvrit les yeux, et deux syllabes glissèrent entre ses lèvres exsangues. « Papa !» Coriolis tomba à genoux devant son enfant, souleva cette tête chérie, la pressa contre son cœur et l'arrosa de ses larmes. « Pardon, pardon !»« Pardon de quoi, mon papa ? Balao ne t'a rien dit ? Embrasse-le, c'est lui qui m'a sauvé !» Le regard de Coriolis allait de Madeleine à Balao, qui, sur le seuil, détournait la tête pour qu'on ne le vît pas pleurer. « Comment il t'a sauvé ?» Alors Madeleine, entourant de ses beaux bras tremblants le cou de son père, lui confia la terrible histoire à l'oreille. L'enlèvement de la chambre de Moulin par Élie, l'albinos. Le fils de la mère Vautrin avait dû apprendre le mariage de celle qu'il n'avait cessé d'aimer et la prochaine arrivée des nouveaux époux à Clermont-Ferrand. La résolution qu'il avait prise subitement d'aller se mettre sur leur route, comme une bête à l'affût pour se jeter sur sa proie au passage, en disait long sur la mentalité des trois individus qui, depuis des années, chassés définitivement de la société des hommes par leur condamnation à mort, vivaient au fond de la forêt comme des animaux sauvages. Mais si Hubert et Siméon ne vivaient plus que pour manger et pour respirer au creux de leur tanière, le cœur d'Élie s'animait encore de temps à autre, farouchement, au souvenir d'une forme blanche apparue jadis, quand il entrait le matin de ses chasses clandestines au seuil de la plaine et au seuil de l'aurore. L'image de Madeleine vivait au fond de ce cerveau de brute, et s'il en était arrivé à ne plus prononcer un mot, à ne plus répondre à l'appel de ses frères, c'est qu'il ne cessait de converser avec l'image de Madeleine et de lui dire des choses qui ne devaient être confiées à personne. En errant avec ses frères comme un chacal autour des villages qu'ils terrorisaient par période de leur rapine, Élie fut mis au courant du retour de Madeleine à Clermont avec son jeune époux. Il ne dit rien à ses frères, se rendit à Clermont, vint se renseigner dans le voisinage de la rue de l'Écu et remonta jusqu'à Moulins. Son but était d'enlever Madeleine avant son arrivée dans le chef-lieu du Puy-de-Dôme. Là, il lui eût peut-être fallu renoncer à son sinistre projet. Tandis que s'il ravissait Madeleine en pleine campagne, il se faisait fort, ne voyageant avec sa proie que de nuit, de regagner son repère de la forêt sans être inquiété. Monter dans le train et profiter d'un arrêt à une station secondaire, ou même du ralentissement du convoi à certains passages qu'il connaissait, et bondir dans la nuit avec la jeune femme dans ses bras, tel était le plan extrêmement simple que pouvait concevoir son cerveau de brute. Les événements se chargèrent encore de simplifier les choses. À Moulins, il vit descendre du convoi Madeleine et Patrice. C'est tout juste s'il eut la force de se retenir de la saisir, là, sur le quai, au milieu des voyageurs. Si elle n'avait pas passé si vite au bras de Patrice, peut-être aurait-il tenté le coup. Il se sentait le cœur bouillonnant, des flammes au cerveau et tout tremblant de l'impatience de son rapt. À l'hôtel, il entra carrément derrière eux, mais continua attentif son chemin dans la cour. Une fenêtre s'éclairait et il y vit l'ombre de Madeleine. 10 minutes plus tard, Madeleine était dans ses bras, son poing étouffait sa bouche hurlante. Il la jetait, à demi-morte, dans une carriole sur le siège de laquelle il bondit. Il s'arrêta quand la bête expirante s'abattit dans les brancards. Il avait fait un long chemin sur la route de Paris, remontant du côté opposé au pays de Cerdogne. Et ceci devait dépister quelques heures plus tard, Patrice d'abord, Coriolis accouru ensuite. Enfin, les événements déclenchés par Gabriel achevèrent, par leur coïncidence, de donner la tranquillité aux ravisseurs qui s'acheminaient à petites et prudentes étapes vers la carrière de Moabite. il ne disait pas un mot à Madeleine. Mais il la forçait à boire et à manger par la terreur. Madeleine espéra un instant que les recherches dont elle devait être l'objectif et désespérée aboutiraient avant que le misérable ne l'eût enfermée pour toujours dans quelques-unes de ces affreuses carrières de Moabite dont on prenait le chemin. Elle en connaissait la terrible légende, toute peuplée de fantômes, de cadavres, tapissée de squelettes et de trésors. Mais la forêt se referma sur eux avant que le secours fût venu, et ils arrivèrent à Moabit. Les deux frères accueillirent en silence l'albinos et sa proie toute blanche, et Eli leur dit « Voilà celle qui sera ma femme, la femme d'Eli de Moabit. » Les autres s'avancèrent sur elle avec des regards de flamme. Elle vit qu'ils étaient armés et qu'ils se regardaient tous trois avec une grande haine. Elle comprit que les trois frères allaient se battre et qu'elle serait le butin du vainqueur. Et les autres, avec leurs bras terribles, se l'arrachaient déjà. Déjà, elle sentait autour d'elle leurs doigts monstrueux qui la déchiraient, quand elle poussa un grand cri qui roula au fond des échos de la forêt. « Balao ! Balao !» Et Balao parut. Ah ! Ce fut un combat de géants, une lutte mythologique avec la foudre du fusil moderne en plus. Mais soit que les dieux anthropopithèques veillassent avec un soin jaloux sur leur héros terrestre, soit que la nature l'eût doué d'une chair impénétrable au vulgaire plomb de chasse des hommes, la foudre humaine fut impuissante à arrêter l'élan de ces bras vengeurs. La forêt elle-même l'arma du terrible glaive, et l'arme tournoya autour des fronts. Balao, Balao, il était venu, il frappait pour elle, il tuait pour elle ses trois frères de la forêt. En vain avait-elle appelé les hommes. Nul n'était venu, mais elle n'avait eu qu'à prononcer son nom pour qu'il se rua dans la mêlée et en sortit vainqueur, le cher, formidable et doux et terrible Balao. Et pour elle qui avait regardé Patrice tirer sur Balao sans qu'elle eût détourné son bras, pour elle qui, à genoux au centre de Moabit, pendant que se déroulait le combat, ressemblait à un grand lys blanc. Ah ! Dans les tournois, y eut-il jamais un chevalier plus redoutable ? Frappant d'estoc et de taille, et de ses doigts de main de soulier. Balao, Balao, frappe, à bas, voilà pour Siméon, et puis pour Élie. Quant à Hubert, il faut lui réserver ton coup le plus rude. Ils ont tourné autour de toi avec leurs fusils vides, qu'ils agitent maintenant comme des massues. Mais toi, tu as la bonne massue d'arbre, et tu leur en as fait voir de toutes les couleurs, de la couleur rouge partout. Ah, que de sang sur les bras et sur les joues. Hop, hop, Balao, elle n'a eu qu'à prononcer ton nom et tu es venu. Touro, Touro, pan! Encore un bon coup dans les reins de cet Élie, qui ne s'en relèvera plus, et qui se traîne sur l'herbe comme un lièvre aux pattes brisées. Et ils ont le front fendu tout de même. Et ça coule le sang. Mais ce sont de solides gaillards qu'un coup d'arbre sur le front ne démolit pas du premier coup. Il faut y revenir à plusieurs fois. Ils sont durs comme de la chair et de l'os d'anthropopithèque. Wop! Psh! Psh! Un coup par-ci, un coup par-là. Les guerriers sont comme ivres et dansent autour de Balao comme des ours. C'est toi, Balao, qui les fait danser ainsi, comme un bohémien son ours. Geuk, geuk, l'enfer de Patipatankaing vous attend. Ouf, ils ne respirent plus, ils ne gémissent plus, ils ne bougent plus. Ils sont morts, tous les trois, les bras en croix, sur l'herbe rouge. Mais toi, tu es bien mal arrangé aussi, mon pauvre Balao. Mais il s'agit bien de te soigner à cette heure, où le blanc lisse de la carrière de Moabit s'affaisse après avoir vu ta victoire tout doucement sur la terre épuisée. C'est ton tour d'emporter le blanc lisse dans tes bras, avec beaucoup de précautions, digne d'une nourrice de petits hommes, par le Seigneur Dieu Patipalankaing. Et tu as étendu le lisse sur la fraîcheur du lit de feuilles sèches de ta demeure solitaire du grand être de pierre-feu. Que Patipalankaing, qui veille sur les cœurs sincères du haut de son trône de la forêt de Bandang et qui récompense les belles batailles de la forêt. Que Patipalankaing soit béni, puisqu'il a béni ta demeure, ô Balao. tel avait été ce dernier épisode, sanglant, tragique, héroïque et beau comme l'antique. Ce n'est point avec sa pauvre voix si fragile, avec le souffle pâle de son haleine de lys expirant, que Madeleine a pu raconter d'aussi retentissant au fait à Coriolis qui pleure. Mais les quelques mots qu'elle lui a dit à l'oreille et ce qu'il a vu, les cadavres et les blessures de l'humble Balao, tout cela lui fait comprendre le drame, le fait sangloter d'allégresse et fait bondir son cœur d'orgueil. Car Madeleine est sauve, et Balao a agi comme un de la race du temps des chevaliers, sans peur et sans reproche. Balao détourne toujours la tête au seuil de sa demeure forestière pour qu'on ne voie pas ses yeux rudes pleins de larmes. Madeleine dit en soupirant « Il faut bien lui demander pardon très fort. Nous avons eu tort de ne pas le traiter comme un de la race. Il m'a dit « Je voulais te revoir encore, Madeleine, avant ton départ avec le mari de ta race. Que croyais-tu donc et que craignais-tu? Un qui a des doigts de soulier sera toujours l'excellente amie de la fille des hommes. Et si tu connaissais la loi de la forêt, établie par Patipalankaing au commencement du monde, tu saurais cela, que la fille des hommes peut se promener sans crainte dans la forêt. Mais ce n'est pas défendu de toucher des lèvres les traces de ses pas ou de lui lécher la main. Voilà ce que m'a dit Balao. N'est-ce pas, mon Balao? Il m'a dit tout cela à côté du lit de feuilles sèches en attendant que tu viennes. Il me l'a même dit dans des vers immortels, car Balao est un grand poète, n'est-ce pas, Balao? » Balao à la porte fait signe que oui de la tête. Mais la tête toujours tournée, car il n'en peut plus. Sa douleur va éclater comme un orage intempestif. Et il se retient pour ne pas tomber dans le ridicule. Il tâche à avaler ses sanglots et à garder son tonnerre pour lui. Pauvre Balao, qui sait que Coriolis est venu pour emmener Madeleine. Pauvre Balao qui a appelé lui-même son maître sur l'ordre de sa petite maîtresse et qui est allé lui-même, après l'avoir écrite lui-même, car Madeleine était alors trop malade, mettre de nuit, dans la rue du village, sa lettre dans la boîte aux lettres de la poste de Madame la receveuse. Même qu'il a failli être reconnu par cette sacrée vieille taupe de mère commère Toussaint qui pense toujours à la robe de l'impératrice. C'est fini cette fois, bien fini. Elle est partie. Elle est partie rejoindre son mari et il ne la reverra plus. Son maître reviendra, lui. Mais elle, elle ne doit plus revenir à cause de la loi d'homme qui lui ordonne de suivre son mari. Elle est partie à l'instant même et après des adieux qui ont fait croire à tous les villageois du pays de Cerdogne qu'il y avait un gros orage dans les bois et sur la montagne. Il est resté là, lui, sur le seuil de sa demeure forestière du grand être de pierre-feu. Il est resté immobile, les bras et les jambes pendants et la tête sur la poitrine, sans remuer, comme un anthropopithèque en bois. Et il est resté comme ça tant que les grelots du cheval de la voiture ont grelotté sur son cœur desséché comme une peau de tambour. Car il n'y a plus rien dans son cœur. Rien, elle a tout emporté. Du moins, ça lui produit cet effet-là, une sensation de creux. Oui, il a, là, comme une caisse vide que rien ne remplira jamais plus. Rien que le souvenir, Balao. Et tu verras, Balao, que le souvenir, ça remplit tout de même le cœur, à en étouffer. On n'entend plus rien au loin sous la feuillée. Balao rentre chez lui et s'étend sur le lit de feuilles sèches qui a gardé la forme de son corps. Et chose incroyable, Balao a encore des larmes. Les dernières écoulées, il restera sur le lit de feuilles sèches pendant 2 jours et 2 nuits, étendu sans mouvement comme un anthropopithèque en bois. D'anciens camarades de la forêt sont montés jusque chez lui et auront regardé par la porte entrouverte sans seulement qu'il se soit dérangé d'une ligne. Le vieil as, qui maintenant a une patte cassée, a regardé cela et est reparti sans rien dire en haussant les épaules. Balao ne connaît plus ces gens-là. Au bout du second jour, quand Coriolis est revenu, il a trouvé Balao assis au coin de sa porte, l'épaule au soleil, et lisant mélancoliquement Paul et Virginie. Coriolis a dit à sa fille qu'il allait se retirer définitivement à Saint-Martin-des-Bois. Mais dans sa pensée, il a menti, car c'est au grand être de pierre-feu qu'il voudrait se retirer. Loin de la société, qui ne peut que le maudire, tout seul avec son grand chef-d'œuvre de Dieu, avec l'homme de Java que son génie a mis au monde. Enfin, on va voir ce qu'on va faire. De fâcheux bruits courent le département sur une histoire d'Anthropopithèque. Coriolis trouve qu'on est très bien dans la forêt, gardé par le souvenir des trois frères et de la bataille où périrent quelques braves officiers et soldats. C'est une retraite à peu près sûre et inviolable. À peu près. D'abord, Coriolis songe avant tout à vaincre la tristesse de Balao. Il a raison, car le malheureux garçon est bien malade, et s'il continue à s'attrister ainsi, sans remuer en haut de son arbre, il deviendra phtisique. Coriolis arrache d'abord à Balao ses mauvaises lectures. Il lui confisque Paul et Virginie, et il l'emmène se promener dans la forêt. Pour détourner les pensées de son élève, il le met au courant des frasques d'un certain Gabriel, dont on a pu croire un instant qu'il était Balao. En vérité, lui-même s'y était trompé, à cause de la façon qu'il avait de porter son veston ouvert, en mettant brusquement un doigt dans les poches de son gilet et aux entournures. Enfin, à cause d'un monocle. J'ai beaucoup connu ce Gabriel, répondit Balao, en faisant effort pour suivre la pensée de son maître. Il m'empruntait tout, mes costumes, et jusqu'à la façon de les porter. Je lui avais fait don d'une paire de lunettes, et je vois qu'il a réussi à en faire un monocle parce que j'en portais un. Ces singes ne peuvent se passer d'imiter les gens. Ils marchèrent quelque temps sans rien dire, puis ce fut Balao qui reprit. Pendant que l'on mettait sur mon compte toutes ces horreurs, je prenais, désespéré, le chemin de Pierre-Feu. J'avais voulu revoir Madeleine, tout simplement. Je l'ai revue à travers les vitres du wagon. Mais l'autre a voulu me tuer, et je regrette bien qu'il n'ait pas réussi. Coriolis serra le bras de Balao affectueusement. Alors Balao lui rendit humblement sa pression et baissa le front en finissant. « Oui, je ne demande plus qu'à mourir dans ces lieux qui l'ont connu, qui ont entendu sa douce voix quand elle appelait « Balao, Balao, Balao ». Ma seule joie maintenant sera de reconnaître les arbres au pied desquels nous nous asseyions, quand elle voulait m'instruire de quelque histoire nouvelle. Ici, je retrouverai partout son image. Patipalankaing est bon. Ah, je saurais mourir ici. » Coriolis voulait en vain le faire taire. Balao ne pensait qu'à Madeleine, et se plaisait, douloureusement, à confier sa pensée à toutes les branches du chemin. Il dépérissait, visiblement. Il ne sortait de son rêve que pour parler de Paul et Virginie, dont l'histoire lui agréait par-dessus tout, parce qu'il y trouvait de la ressemblance avec ses propres malheurs. Et comme Paul, après le départ de Virginie, il revit tous les lieux où il s'était trouvé avec sa compagne de son enfance, tous les endroits qui lui rappelaient leurs inquiétudes, leurs jeux, leur repas champêtre et la bienfaisance de la petite sœur bien-aimée, un jeune bouleau qu'elle avait planté, les tapis de mousse où elle aimait à courir, les carrefours de la forêt où elle se plaisait à chanter et où leurs deux voix s'étaient mêlées avec leurs deux noms, Balao, Madeleine. Au bout de 5 jours, il se coucha, et Coriolis put croire que c'était pour ne plus se relever. Un matin, Balao se réveilla de son assoupissement et vit Zoé et Gertrude à ses côtés. Il n'en marqua aucune colère, ni la moindre humeur. Bien mieux, il se laissa tendrement embrasser par Gertrude, et il demanda pardon à Zoé de toute la peine qu'il n'avait, depuis qu'il la connaissait, cessé de lui causer. Sa voix était douce, il se laissait soigner et dorloter. Il était faible comme un enfant qui va mourir. Coriolis, qui le soutenait derrière lui, bien qu'il fût aussi faible que lui, se risqua à user du mot remède que la petite Zoé, avec son cœur et son intelligence, avait apporté toute seule. Coriolis se pencha et glissa les 2 syllabes à l'oreille de Balao. « Bandang !» Aussitôt, l'œil de Balao s'alluma, son torse se redressa, sa poitrine respira fortement et répéta « Bandang !» Alors Zoé dit « Veux-tu, Balao, veux-tu retourner dans la forêt de Bandang ?»« Oh !» fit Balao avec un soupir effrayant. « Oh, que je voudrais la revoir avant de mourir !»« Eh bien, nous t'y conduirons !» Nous irons tous ensemble, Balao. » Balao posa sur ses lèvres ses énormes poings tremblants, comme lorsqu'il avait dessein de retenir l'expression trop bruyante de sa joie ou de sa douleur. « Partons, fit-il, oh partons, loin des maisons d'hommes, retournons dans ma forêt de Bandang. » Il n'y avait pas à hésiter. C'était le salut non seulement pour Balao, mais encore pour eux tous, pour Coriolis surtout, car Zoé était revenue de Clermont avec les plus fâcheuses nouvelles. Monsieur Mathieu de la Fosse avait maintenant la certitude que les beaux officiers et les beaux soldats, qui avaient été tués lors de l'assaut de la forêt, étaient tombés sous les coups de l'anthropopithèque de Coriolis. L'enquête officielle finissait de démêler ces choses sombres, et l'on recherchait à nouveau le maître et son terrible élève. Il n'était que temps de fuir. Ils traversèrent les frontières et montèrent sur des nefs. Ils fuirent jusqu'à la forêt de Bandang.